Donc c'est parti, bienvenue à toi Jérémy. Salut Fab. Donc aujourd'hui j'accueille Jérémy Saint-Zel, ailier du Stade Rochelet, donc un ami d'enfance ou au moins d'adolescence. On a joué ensemble à Toulon, endroit où on s'est retrouvé pour faire cette petite interview. Si vous entendez des un petit bruit derrière, ben c'est le petit Mistral toulonnais et les petites vagues de la plage à 5-6 mètres de nous. Donc Jay, ben, bienvenue donc dans mon émission de rugby que j'ai appelée Joue au rugby Mino. Merci à toi d'avoir accepté pour l'invite. Cette petite interview, ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait plaisir parce que ben, écoute, t'es un joueur que j'apprécie énormément et un gars que j'aime beaucoup. Donc je suis bien content de commencer cette aventure avec toi. Est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter aux gens qui vont écouter l'émission? Eh ben écoute, je m'appelle Jérémy Saint-Zel, j'ai 27 ans. J'ai fait 3 clubs dans ma carrière déjà, donc ça passe à 27 ans. Oui. Voilà, j'ai eu la chance en jeune de tomber sur un bon groupe de potes et après d'être parti de Toulon et de me retrouver à Paris et je pense d'être devenu un homme sur Paris, voilà, clairement. Oui. Et aujourd'hui, ben, je suis à La Rochelle depuis cette saison et puis on verra bien où le vent me mène. Oui, donc avant de jouer à Toulon et à Paris, Toulon, Paris, La Rochelle, t'as commencé où le rugby quand même avant ça ? À Nice, je suis niçois, voilà, je suis né à Nice et j'ai fait un peu une saison à Nice en moins de 15 et après j'ai eu la chance de rentrer au Pôle Espoir à Costebelle et puis je me suis retrouvé à jouer à Toulon. Ok. Voilà. Et moi je me rappelle de t'avoir rencontré quand on était cadet première année. Exactement. Donc moi je jouais avec la cadet 2 de Toulon, toi tu jouais avec la 1 de Nice. Et on vous avait battu ce jour-là. Ouais. Comme il faut. Et il y avait 3 top players du côté de Nice et tu faisais partie d'un 2. Mais là du coup pour moi, tu sortais de nulle part. Ouais. Et d'ailleurs une des questions que j'avais préparées c'est tu as explosé à 16 ans. Je sais pas si tu étais bon avant comme ça avant, mais tu as explosé à 16 ans ou tu as explosé plus tôt pour toi? Non, je pense que j'ai explosé à 17 ans. Je pense que la deuxième année cadet, l'année à Toulon où j'arrive, on a la chance d'être champion de France. Mais à Nice, c'était un peu le tremplin, je veux dire, c'était un peu le coup de chance, clairement. Je me suis retrouvé au rugby grâce à Guillaume Cazenave, un de nos meilleurs amis en commun. Et donc voilà. Clairement, c'est ce qui a eu un peu ce déclic au niveau du rugby. Quoi. Oui, mais tu avais commencé à quel âge toi? Ben, 16 ans. J'ai commencé la première année à Nice cette année-là. Quand tu es cadet première année? Je suis cadet première année. Ah d'accord. Et du coup, après, je suis arrivé à enchaîner avec le Pôle Espoir, deuxième année, ailleurs à Costebelle. C'est ça. Voilà. Donc très tard, j'ai fait du judo bien avant pendant 12 ans. Oui. Et je me suis retrouvé enchaîné avec le rugby grâce à Guillaume. Et ok, et aucune appréhension lorsque tu arrives sur les prés quoi? Ben, pas trop. Pas trop, parce qu'après que le judo, tu avais un peu le. La portion du contact, de la chute, tout ça, tu vois, mais après attraper un ballon et marquer des essais, c'était un peu plus compliqué par contre. Poser le ballon dans un but. J'étais persuadé que tu avais commencé le rugby super tôt à Nice et que. 16 ans. À 16 ans, t'étais déjà grand à l'époque pour un ailier. Ouais. T'étais à droit et à l'aise sur les ballons hauts là. Ok. Donc ton cursus, une année à Nice. Une année à Nice. Et puis après Toulon et le Pôle Espoir, oui. Donc du coup le Pôle Espoir, c'était. Pour expliquer un peu aux gens, c'est l'année seconde, première, terminale. Voilà. Où les 10 à 12 meilleurs joueurs d'une région sont réunis dans un lycée et sous la structure fédérale. Et exactement. Ils s'entraînent, on s'entraîne tous les jours. Quoi. Donc, ok. Donc, ça commence tout parallèlement. Oui. Donc, toi, donc, quand le rugby se lance, tu réfléchis pas et tu es juste heureux d'arriver à Toulon et de rentrer au Pôle. C'est vraiment pas un coup de bocal, mais un coup de chance, quoi, clairement. Oui. Où je me retrouve ici, je sors du comité, donc moi, Côte d'Azur, et je me retrouve à jouer avec le comité ici du Var. Donc, on commence à Alpes-Côte d'Azur à la sortie, on est tous regroupés. Et voilà, je me retrouve à passer un peu ce casting pour rentrer au Pôle Espoir. Oui. Et du coup. La chance où Jean Bidal, donc l'un des recruteurs qui tenait le Pôle Espoir, voilà, me dit écoute, je vais essayer de te faire rentrer au Pôle Espoir cette deuxième année. Ok. Voilà. Donc clairement. Ça se fait. Tu rentres à Toulon, t'es plutôt bon, tu fais les équipes de France jeunes en plus. Ouais. Là, ça y est, tu rentres dans le cursus fédéral pour de vrai. Quels sont tes souvenirs là, tes équipes de France jeunes? Parce que du coup, t'as fait de moins de 17 à moins de 20. Et c'est ça, moins de 17 à moins de 20. Disons que c'est bien parce que tu mélanges un peu d'autres cultures, donc les Toulousains, les Catalans, les Varois, donc du coup, ben voilà, t'apprends un peu de. C'est vrai qu'on était beaucoup représentés. Ouais, on était beaucoup, parce que c'était les trois d'ailleurs, les trois régions. Et donc du coup, ce sont de belles années, c'est de très bons souvenirs. Bon, malheureusement, on a une génération, on n'a rien gagné. Oui. En jeu. Mais bon, alors ce qui est bien, c'est l'approche de la culture, de différentes cultures en jeunes, quoi. C'est super bonnard. Ok. Et du coup, toi, tu as fait partie de ces gars-là, là, de ces bons jeunes joueurs de rugby surclassés en U20. Ouais. Quand tu étais U19. Donc, à notre génération, les 90, il y avait toi et Rémi Lamera. Et Gilles Bosch après. Ah, Gilles Bosch, je m'en rappelle. Catalan, ouais. Ok. Ouais. Et moi, j'aurais une question, Jérém. Parce que la Fédé, quand même, ils se trompent peu hein, dans ces cas-là. Ils ont surclassé Doussin 91 avec les 90. Là, par exemple, pour la génération U20 de maintenant, il y a le petit Ntamak et le petit Carbonel qui sont surclassés, qui sont vachement bons. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est à ton avis, pour quelle raison t'as pas encore été international A aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'après, je pense qu'il y a un cap à franchir. Oui. Il y a le cap à franchir où... je pense que le top 14, voilà, c'est tu joues tous les week-ends, le niveau est quand même assez élevé aussi en top 14, mais oui. Je pense que le niveau international, c'est encore un cran dessus. Et je pense que pour arriver à ce niveau-là, il y a un cap à franchir que je pense que je ne franchirai jamais. Quoi. Pour quelle raison? Bah, pour la raison où je pense que bah, déjà, je joue à l'aile, je manque un peu de canne. Mmh. Faut dire ce qu'il y a, quand tu vois les ailés aujourd'hui, ça va très vite. Les mecs sont beaucoup plus costauds. Et je pense que voilà, le train est passé, clairement. Voilà, okay. Faut pas se mentir. Mais je pense que ce niveau international, c'est un cap au niveau du top 14 quand même à franchir. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est évident d'un côté. Ouais, c'est évident, mais après, les arguments, je pense que voilà, quand tu vois, moi je joue à l'aile personnellement, je pense que voilà, il y a vraiment ce cap de vitesse à franchir que je n'ai pas spécialement. Quoi. Mmh. Voilà. Oui, d'ailleurs, tu décrirais comment toi comme type d'ailier? Quel type d'ailier? Moi je pense que je suis plus un ailier créateur qu'un ailier finisseur. Mmh. Je suis pas là à marquer beaucoup d'essais dans le top 14. D'ailleurs j'ai pas beaucoup marqué cette saison. Mais voilà, après je suis plus un ailier qui me déplace plus dans le jeu, qui essaie de toucher du ballon, de créer un peu d'incertitude sur les défenses. Mais voilà, mais après je suis plus le copain qui fait la dernière passe que le mec qui marque les essais. Quoi. Oui. Voilà. Moi, okay. Je me créerais plus pour un ailier. Mais t'es ok avec toi à ce niveau-là, quoi. Ouais. Ouais. C'est-à-dire? Ben, t'as pas de regrets ou tu dis pas des fois, putain, allez, je vais tout faire pour marquer. Ben, j'ai pas ce profil-là où je pense qu'à moi, je suis pas ce profil-là où je suis. Voilà, je suis plus dans l'altruisme à penser un peu aux copains, à faire briller les autres que moi à penser qu'à moi, quoi. Moi, je préfère que. On parle plus d'un copain que de moi. Ok. Voilà, je suis plus dans cet état d'esprit-là. Ok. Mais c'est vrai qu'en préparant cette interview, je me suis dit que tu avais un profil atypique en tant qu'ailier. Tu vois, je me suis dit, bon, avec ma connaissance du rugby, je me disais, bon, il y a les ailiers finisseurs, il y a les ailiers fracasseurs qui sont de plus exactement, en plus présents, ouais. Qui n'existaient pas forcément à notre époque. Il y avait un peu le mot à l'époque. Ouais, où il y avait un peu aussi les gaillards gobelets, rougeries et tout ça. Mais. Maintenant, c'est vrai qu'avec les gars des îles, on a de plus en plus des fracasseurs. Tu as fait raison. Mais voilà, donc on pourrait dire, enfin moi, les trois types d'ailier que j'arrive à catégoriser, quoi, créateur, finisseur, fracasseur. Ouais. Et c'est vrai que, bon, t'es un peu des trois, si je puis dire. Ouais. Mais pas forcément un des trois. Ouais, à la fois. C'est voilà. Un petit mélange de tout. Oui. Fracasseur, c'est un peu fort. Oui, fracasseur, pas tant peut-être. Pas tant, ouais. Ouais. Mais voilà, je vois ce que tu veux dire et je te rejoins parfaitement dans. Donc mais c'est ce qui fait peut-être qui te dessert pour le niveau international, mais ce qui fait aussi que tu joues quand même très souvent sur tes 5 années à Paris et sur ton année à La Rochelle. Clairement, je pense que je suis peut-être le bon petit joueur du top 14. Ouais. Et je pense que je pourrais pas passer au-dessus de tout ça. Okay. Voilà, clairement. Ok. Ouais. Tu t'es fait une croix, oui, une idée oui, là-dessus. Oui, mais clairement. Ok. Clairement. À 28 ans maintenant, voilà, peut-être que j'en avais 24, peut-être que je pensais différemment, mais là, à 28 ans. Du coup, à 24, voilà. Tu pensais différemment? Pas spécialement non plus, mais bon, le rugby a quand même beaucoup évolué. Oui. On le voit par rapport à, comme tu as dit, les ailés fracasseurs de Danolo, Tussova, tous ces ailés qui sont arrivés déjà cette année. Et effectivement, le monde du rugby a clairement évolué. Et en 2-3 ans, tu vois l'évolution chaque année. Oui, et ça monte de niveau en niveau, soit au niveau international ou au niveau top 14, en super rugby, championnat anglais, partout. Hein. C'est vrai. Ouais. Donc tu vois vraiment la différence. Et voilà. Du coup, peut-être ce profil atypique a fait que t'es passé 10 cette année. Ah. Ça c'est quand même, donc on en rigolait tout à l'heure. Toi jeune, t'y croyais toi? Ben non, mais d'un côté, c'est vrai que t'es l'un des trois quarts qui a eu le plus de technique et de compréhension du jeu et de lecture du jeu. C'est vrai que c'est ouf que ça t'arrive à 28 ans quoi, ou à 27 ans pardon, t'en avais 26 même quand c'est arrivé, 27 pardon. Ça, c'est vrai que ça a été ouf, on en a rigolé entre nous. Ouais. Bien chanté d'ailleurs. Oui, quand t'as vu avec le bandeau et le numéro 10. à la première journée du championnat, c'est vrai que c'était ouf. Mais d'un côté, t'étais le profil le plus adéquat pour cette reconversion là, quoi. Mais toi, tu aurais pensé par exemple à jouer, à prétendre jouer 10 pas du jours tout. Ouais. Pas du tout, ça s'est vraiment fait par hasard. Oui. Donc, je peux te raconter la petite anecdote qui s'est arrivée. Donc en fait, si tu veux, on s'est retrouvé en début de saison avec Brody James blessé. On joue le dernier match amical à la maison. Ryan Lamb, l'anglais qui est arrivé cette saison, a passé une soirée un peu mouvementée, voilà, sans rentrer dans le détail. Oui. Du coup, il s'est retrouvé à ne pas jouer le premier match face à Brive. D'accord. Et du coup, les entraîneurs m'ont demandé gentiment est-ce que ça ne te dérangerait pas de dépanner en 10. Écoute, pas de soucis, je vais m'accrocher, il n'y a pas de soucis. Donc du coup, ça s'est fait vraiment par hasard. Je me suis retrouvé à jouer le premier match du top 14 cette année à dépanner en 10. Ok. Voilà. Et tu l'abordes comment là? Alors aujourd'hui, j'en rigole. Oui. Parce que je me dis quand même, j'ai fait une saison en 10. Mais en repensant ce début de saison, je me dis, mais comment j'ai pu en arriver là en fait? Comment? Et en fait, à la sortie, le problème c'est qu'après, j'étais frustré de repasser à l'aile. Oui. J'ai eu des matchs où malheureusement, je me suis retrouvé à rejouer lié. Oui. Mais si tu veux, dans cette saison, que j'y repense, je joue le Racing, je joue à l'aile. Au bout de 20 minutes, Brody James se blesse, je dois repasser en 10. Ulster, en Coupe d'Europe. Oui. Je joue à l'aile. Ryan Lamb se blesse au bout d'un quart d'heure de jeu, je repasse 10. Mmh. Et, si tu veux, et après il y a eu des matchs où je me suis retrouvé inconsciemment à jouer 10. Oui. Et même pas par le choix, des coachs parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mmh. Et du coup, après je me suis vraiment pris au jeu. Ça m'a plu. Mmh. Et du coup après j'étais frustré de repasser à l'aile. Donc okay. En fait tu fais beaucoup moins de ballons. Oui. T'as pas la même gestion du match. Mmh. Tu te prépares pas de la même façon avant le match parce que tu dis que là tu gères 15 mecs. Et quand tu joues à l'aile, tu gères tout seul. Oui. À l'aile. Et donc du coup si tu veux, c'était un peu le. Comment te dire le. Moi je peux décrire ça. Le. Je sais pas en fait. Il fallait absolument qu'après je joue 10, je ne pouvais plus repasser à l'aile. Okay. Voilà. Et après j'ai eu même une discussion avec les entraîneurs où je dis voilà, mais maintenant ça me fait presque chier de jouer à l'aile. Donc voilà. Et ton nom dit quoi à ce moment-là? Et ben en fait, si tu veux, je me trouvais assez performant en 10, même si moi il y avait toujours des trucs qui me dérangeaient parce que voilà. Après quand tu dis, il faut pas jouer que pour toi, il faut savoir jouer avec les autres. Et si tu veux, au bout d'un moment, après j'adorais ça. Faire briller les autres, jouer avec mes avants. Trouver la bonne décision. Voilà. Ouais. Et si tu veux, voilà. Et après, du coup, on a discuté. Il me dit, bah écoute, ouais, ce serait bien peut-être que tu restes encore un petit peu. Après, j'étais un peu gêné vis-à-vis des autres 10. Donc, il y avait Brody James, Ryan Lamb et tout. Ils sont des 10 de métier. Et eux, pour de le bon coup, niveau, ont tout fait pour m'aider à ce que je continue à jouer 10. Et donc, du coup, voilà, ça s'est super bien passé. Voilà. Okay. Mais c'était une saison, comme je disais, très enrichissante pour moi. Oui. Vraiment, ça m'a beaucoup appris. J'ai eu une autre approche du rugby. Parce que quand tu joues à l'aile et quand tu joues en 10, bah, t'as pas la même approche du rugby. Et du coup, alors c'était vraiment une saison très complète pour moi. Ok. Et pour la saison prochaine, quel sera ton prochaine, poste? Il y a quand même deux 10 qui arrivent. Il y a donc le néo-zélandais West qui arrive en novembre. D'accord. Et il y a Max Lafage, le 10 de Colomiers, qui a été recruté. Il reste encore Ryan Lamb. Donc il y aurait 3 10 de métier. Voilà. Plus toi au cas où. Ça serait plus moi au cas où. Mais vraiment au cas où. Hein. Oui. Donc on verra bien pour la suite. Et voilà, c'est pas comme devant. Toi Fabien, tu joues talonneur, talonneur tu ne peux pas si spécialement piller. Non, c'est plus compliqué. Pas, donc je pense que toi tu peux plus expliquer le phénomène devant que derrière. D'ailleurs, je pense que c'est plus facile d'avoir de la polyvalence. Oui. D'ailleurs, quand on met un remplaçant derrière polyvalent, c'est plus facile que mettre un polyvalent devant. Oui, oui, à part deuxième, troisième ligne. Voilà. Après en première ligne, c'est pas possible. Toi qui joues première ligne, c'est très compliqué. Oui. Toi tu joues que talonneur. Oui, bien sûr. Voilà. Vous pouvez piller, c'est plus compliqué. Mais et du coup là tu m'as dit rétrospectivement comment tu l'as vécu, donc un an après ou pendant la saison c'est devenu cool de jouer 10, mais sur l'instant, alors toi moi je te connais, t'es un mec qui craint des gains, j'ai pas l'impression que tu connais le mot doute ou le mot question, voilà tu fonces, t'es cash. Et du coup donc tu le sais combien de temps avant le premier match? Et ben, en fait le jeudi. Donc deux jours avant. Deux jours avant. Le jeudi c'est mise. Et t'as fait combien d'entraînements à ce poste là? Trois. Combien de matchs? Trois parce que le lundi donc une récup du match amical avant, le mardi mise entraînement, mardi, dès le mardi. Oui. Mardi, mercredi off, jeudi entraînement, on fait l'attaque le jeudi. Ok. Et là j'ai compris que comment je l'ai abordé, ben au début je. Relax, en plus je jouais avec un demi-mêlé jeune, de 18 ans, Jean-Victor Royot. Ah oui, c'est vrai. On a été une charnière vraiment. Expérimentale. Voilà, franchement, c'était la sous-sous, comme on dit. Et donc, je me suis retrouvé à pas me poser de questions, à me dire écoute, ça reste du rugby, avant tout. Et essaie de, surtout, je me suis dit essaie de jouer avec tes copains. Okay. Et ne pense pas qu'à toi. ne garde pas le premier ballon, essaie de faire la passe de plus, de chercher les copains avant de toi de garder le ballon. Okay. Du coup ça m'a mis en confiance, clairement. Okay. Donc du coup j'ai abordé le match en me disant fais jouer les copains avant de penser à toi. Okay. Voilà comment j'ai abordé ce match. Du coup c'est super bien passé. Ouais, génial. Voilà. Ah ouais, mais ça c'est vraiment sans antécédent. Hein. Ouais, mais donc une du coup. Telle reconversion. Ouais, c'est une, je pense que c'est improbable. Ah ouais. C'est la reconversion improbable. Ça a fait rire des collègues. Hein. Voilà. Oui. Tu veux répondre à ton téléphone? Vas-y, ouais, Lolo. Tu couperas? Ouais, voilà, on va trouver. Non, il est là. Laurent! C'est bon, il nous a vu. Ouais. Donc un copain nous rejoint là. C'est le retrouvaille des Toulonnais là. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah, très bien. Bon, tu l'as bien vécu. Hein, ouais, j'ai pas bien vécu. Donc, voilà, ouais. C'était vraiment, comme je te dis, une fois de plus, une saison très enrichissante pour moi. Ok. Mm. Et donc, peut-être qu'on va faire ta carrière à l'envers du coup là. Vas-y. Donc, avant La Rochelle, t'étais à Paris. Ouais. Mais comment tu. Qu'est-ce qui a fait que t'as signé à La Rochelle? Alors, comment ça. Ben écoute, clairement, il y a eu l'histoire de fusion à Paris, oui. Ma dernière saison. Qui a été très dur à vivre, où on a dû, nous joueurs, monter au créneau pour pouvoir sauver cette fusion entre le Racing et le Stade Français. Et si tu veux, il n'y avait pas d'actionnaire qui a été décidé avant mai. Et après mai, il y a eu quelqu'un, donc un Allemand, qui arrive à le Stade Français, qui a signé et qui a remonté un peu le club, mais ça s'est fait trop tard. Et du coup, j'avais signé bien avant à La Rochelle. Okay. Mais mon choix premier, je voulais absolument rester à Paris, mais si tu veux, la décision... du club a été pris trop tard. Quoi. Oui. Pour sauver le club, c'était trop tard. Et donc, et puis c'était le flou au moment où. Le flou complet, ils sont de fusion. Oui. Et moi, j'ai dit, même avant la fusion, j'avais déjà signé à La Rochelle. Voilà. Oui. Mais avant ça, il y avait un gros point d'interrogation sur l'avenir du Stade Français. Clairement. Oui, d'accord. Clairement. Donc le club même voulait être vendu au Racing et le Racing rachète carrément, absorbe même le Stade Français. Ok. Donc voilà. Et si tu veux, voilà, mais si tu veux, les démarches de La Rochelle, c'est Xavier Garbajosa qui m'appelle, mais il m'appelle début de saison quand j'étais encore au Stade Français. Oui. Donc pour te dire que ça a été bien pris en avance tout ça. Donc voilà. Et après, séduit par Garbajosa, clairement, et je me suis retrouvé à signer à La Rochelle en cours de saison au Stade Français. Oui, mais d'ailleurs, tout s'est enchaîné, histoire de fusion. Oui. On a eu la chance quand même à Paris de gagner la Coupe d'Europe, la petite Coupe d'Europe à Paris. Et voilà, je suis parti cette année-là. Ok. Mais du coup, il te dit quoi, Garbajosa, là, pour te séduire? Eh bien, il me dit, écoute, je vais pas te mentir, t'as un profil qui m'intéresse. Je te cache pas que j'ai aussi appelé un de tes meilleurs potes, donc Geoffrey Doumerou, avec qui je joue au Stade Français. Je suis parti à La Rochelle avec. Et voilà, donc on le rencontre sur l'île de Ré, on mange avec lui, on discute. Donc Geoffrey et toi? Geoffrey et moi. Une tchatche de l'espace, on ne pouvait pas en placer une. Et voilà, mais plus clairement séduit. Le nouveau projet donc du club, le nouveau centre d'entraînement qui s'ouvrait quand on arrivait. Oui, le Happy Via. Voilà, le Happy Via Park, tout ça. Oui. Donc du coup, on arrivait, on rentrait dans un centre d'entraînement top. Et donc vous séduit par l'engouement. Ouais, voilà. L'engouement. Cette année-là, La Rochelle joue, promet toute la saison, joue une demi-finale face à Toulon. Oui. Et donc tu veux, alors tout s'est enchaîné. Ok. Voilà comment ça retrouve. Donc un choix assez naturel et après confirmé par les atermoiements de la présidence. Exactement. Ok. Alors, et c'est dû aussi par carrément le coach des lignes arrières. Ok. Aussi. Oui. Et là à ce moment-là, il parle absolument pas de jouer 10. Pas du tout. Ouais, voilà. Pas du tout. Là, je suis recruté à l'aile ou au centre. Et il trouve quelle qualité dans ton jeu là par exemple à ce moment-là, ça m'intéresse. Et ben, à ce moment-là, il trouve que je suis un mec qui lâche rien quoi, sur le terrain. Voilà, c'est vraiment ce qu'il a marqué. Il me dit, je pense pas que t'aies beaucoup de qualité. Je pense qu'il a été honnête. Il me dit, c'est un garçon qui a pas beaucoup de qualité. Ouais. Mais par contre, quand t'es sur le terrain, t'es un bord de fin, tu lâches rien. Okay. Et ça, je pense que ça lui a vraiment plu. Okay. Mais voilà, après, c'est sûr que si on n'a pas de qualité, il faut bien s'attraper à quelque chose. Ouais. C'est le plus important. Et je pense qu'il m'a cerné. Il a vu comment j'étais. Et c'est pour ça que cette saison s'est super bien passée. Ok, d'accord. Voilà. Oh, c'est super intéressant. Et du coup, est-ce qu'on pourrait revenir aussi sur cet épisode de vraie fausse fusion là? Bah, Julie, on va faire à l'envers. Ah non, bah allez, on va commencer pour être bien à l'envers. Allez. Votre titre de champion de petite Coupe d'Europe. La petite Coupe d'Europe. La petite Coupe d'Europe, je pense que clairement, ce qui nous a soudés et sauvés, c'est cette histoire de fusion. Okay. Parce que avant la fusion, on est 12e du top 14. D'accord. Le week-end d'après, on joue le quart de finale. De Coupe d'Europe contre les Ospreys au Millennium. Au Millennium. L'histoire de fusion tombe et à partir de là, on gagne le quart, on bat en demi, basse à la maison, un match très compliqué et on gagne Gostor en finale. Derrière, on a deux doigts de se qualifier pour le top 14, on finit 7ème, on perd à Montpellier la dernière journée et en plus, je me souviens, c'était Bordeaux, Racing Bordeaux, et Bordeaux était en train de gagner au Racing. Oui, c'est vrai. Et ça pouvait nous qualifier pour le top 14. Bon, malheureusement, on perd à Montpellier, en tout cas, on se qualifie pas, mais on finit champion d'Europe, de la petite Coupe d'Europe. Oui, voilà. Comment s'est fini ce titre de Coupe d'Europe. Oui. Ça a été cet engouement de cette fusion qui nous a vraiment soudés. D'accord. Et là, on a senti les gens des bureaux, ce qui est super important parce qu'ils travaillent pour nous, c'est les gens de l'ombre. Et j'aimerais bien les citer parce que ces personnes-là, c'est super important. Oui. Donc les gens des bureaux, le staff et tous les joueurs soudés montés au créneau pour sauver un peu carrément ce club, quoi, le Stade français. Et voilà, on a réussi à monter au créneau tous ensemble, contre le président Savard et contre Jackie Lorenzetti qui voulait absolument... Et du coup, ça a eu vraiment l'effet d'une bombe, il n'y avait vraiment eu aucun... Non, ça s'est fait du jour au lendemain, je pense, eux, ça s'est fait sur un coup de tête. Ouais, plus ou moins. Mais sans que nous, on soit avertis, clairement. Oui, d'accord. Et donc voilà, on s'est retrouvé un peu comme... Ou même sans aucune préparation, quoi, voilà. Rien. Ok. C'est tombé comme une bombe un lundi. Ouais. Et du coup, un lundi, vous êtes reçu ou c'est par internet que vous savez ça? Non, un lundi, donc reçu dans la salle de de réception. Oui. Asseyez-vous. Et le président nous lâcha comme une bombe. Voilà. Wow. Donc je n'ai pas trouvé de solution. En gros, pour... J'ai pas retrouvé de repreneur, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que pour commencer la saison, quand t'es pas qualifié la saison d'avant et que t'as rien gagné, il faut injecter 14 millions pour le club, entre les déplacements, tout ça, d'accord. C'est beaucoup d'argent. Oui. Et lui, il s'est dit, en fusionnant, Lorenzetti en mettra 7, moi j'en mettrai 7. Okay. Donc au lieu d'en mettre 14, on en met 7 chacun. Et donc lui, il a vu la chose comme ça, même si ça entrait vraiment spécialement dans le détail. Et nous, ça ne nous convenait pas, donc en gros, c'était carrément Moi, ce que j'aimerais savoir, sans que tu dises tout pour autant, c'est est-ce qu'il y a des joueurs qui ont eu des couilles directes dans l'instant? Il y a eu. Alors, ça, c'est une super question que tu me poses, Fab. Souvent, ça se fait après, et tout le monde dit, moi, je me suis levé, tu vois. Pas du tout. Ouais. Le premier à s'être levé, c'est Pascal Papé. Il était devant, il y avait le président devant, il était en premier rang devant. Oui, d'accord. Il a dit, écoute, je me lève, je peux pas rester ici, je peux pas rester avec des faux culs, je peux pas discuter, je peux partir, je suis pas bien, je me sens pas bien. Il se lève. Julien Dupuis enchaîne, donc troisième à me lever. Un deuxième historique. Deuxième, voilà, moi, toi, Sergio Parissé, Geoffrey Doubérou, et d'ailleurs tout le monde enchaîne. Okay. Voilà. Mais il y a eu, j'étais le troisième, parce qu'après, voilà, on avait à cette époque-là, heureusement qu'on avait des cadres, des mecs de caractère. Oui. Parce que dans ces moments-là, si t'as pas de mecs de caractère, le club aurait sombré, je pense clairement, et ça il faut le dire. Et c'est grâce à ça que ce club aujourd'hui est encore là. Oui. Grâce aux hommes de caractère. Ok. Voilà. Et effectivement, donc à ce moment-là, c'est grâce à Pascal Papé qui se lève le premier et qui dit que je ne me sens vraiment pas bien. Qui, ça correspond pas à ses valeurs, ça correspond pas au club qu'il aime. Exactement. Et donc, ne pas le voir partir. Ok. Et donc là, organisation un peu à la va-vite. Quoi, à la va-vite, nous on est représentés par Proval. Oui. Donc Proval qui monte un peu au créneau aussi. Et donc à partir de là, on a monté un dossier un peu solide pour faire comprendre au club qu'on ne voulait pas cette fusion. D'accord. Donc, ça ne se fait pas. D'accord. Et donc, c'est pour ça que ça a pris du temps et que ma décision a été prise. Bon, c'est un petit peu avant que je suis parti à La Rochelle, que je suis à La Rochelle. Oui. Et donc le président Wild actuellement du Stade français est arrivé fin mai. Oui, je m'en rappelle. Donc, pour une saison qui rattaque début le 15 juillet. Le premier match le 15 août. Voilà, donc ça fait un peu tard. Oui. Voilà. Oui, d'accord. D'où la saison aussi compliquée du Stade français cette année. Oui, certainement. Pour dire aussi à ça. En effet. Donc, ok, donc on arrive à ça. Et avant cette année-là, vous allez dégoter un super titre de champion de France. Ouais. Alors là. Et moi, voilà, retrace-nous peut-être un peu la construction de ce groupe et comment vous êtes arrivé à ça. Tout a démarré, je pense, clairement en 2012. Oui. En 2012, on est entraîné par Christophe Lossu, qui est entraîneur, et David Oradou, entraîneur de Mont-de-Marsan maintenant. Oui. Où cette année-là, on fait aussi une finale de challenge européen contre Leinster, qu'on perd contre Leinster. Mais à ce moment-là, ce qui a fait un peu notre force, je pense, à Paris, comparé aux autres clubs, et ça, je le pense vraiment, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes. Donc il y avait du Pisson, du Danty. À l'époque, si jeune avait 19 ans, on ne se rend pas compte, c'est en 2012. C'est vrai. Et si tu veux, à partir de ce moment-là, il y a un groupe qui s'est créé. Et en plus, c'est des jeunes de Paris. Des jeunes parisiens. Ouais. Et cette finale nous a vraiment soudés, même si on la perd, en plus on n'existe pas en finale. Bon, bref. Et si tu veux, derrière, Gonzalo Quesada arrive derrière. Donc Losuke et Oradou ne sont pas conservés. Et là, Quesada voulait vraiment créer un groupe. Un groupe soudé, un groupe d'hommes, avec beaucoup d'identité. Oui. Et on s'est retrouvé en fait avec des jeunes de 20 ans, des jeunes de 25 ans, des vieux de 30 ans, des mecs qui arrêtaient leur carrière. Et si tu veux, ça a créé un groupe homogène. Mais c'est ça qui a fait notre force en fait, ce titre de 2015. Et quand j'y repense, il y a des faits marquants. Et pour moi, le plus marquant, ça a été cette saison-là, on joue le dernier match à Jean Bouin, la nouvelle champion. C'est la fin de carrière de Pierre Rabadan et de Jérôme Fiol. Ok, des historiques. Et là, Ce jour-là, je me souviens, on met une grosse fessée à Montpellier. Tu sentais sur le terrain qu'il pouvait rien t'arriver. Et si tu veux, ce qui était bien avec ce groupe, c'est que les jeunes n'étaient rien sans les vieux, mais les vieux, idem. Okay. Tu vois ce que je veux te dire? Et en fait, c'est ce qui a vraiment fait notre force. En fait, les vieux avaient besoin des jeunes parce qu'ils nous cherchaient. Ouais. Et les jeunes, on avait besoin d'aller chercher aussi les vieux. Okay. Et en fait, ça nous a vraiment soudés. En plus, avec ça, il y avait les deux arrêts de carrière de ces deux grands joueurs. Et voilà, et on s'est retrouvés je me souviens en plus, avant le quart de finale, donc on reçoit le Racing, on prend un 27-0 à Brive, et Brive est maintenu en top 14. Exactement. Avant ses phases finales. Et on se retrouve à jouer le Racing, donc le derby parisien. En barrage. En barrage, on met 40 points. Chez vous ou chez eux? Chez nous. Okay. Donc on reçoit, donc on finit 4e et eux 5e. Derrière, Toulon, à Bordeaux, inauguration du Matmut. Okay. Toulon en prend 30. Ouais. Et une finale, bon, 50-50 contre Clermont, avec beaucoup de chance. Et voilà. Mais vraiment, c'est ce groupe. Donc qui est né en 2012. Qui est né en 2012 pour moi. Okay. Et qui a fait où il y a eu les jeunes qui ont commencé, ceux du milieu et les vieux qui nous ont vraiment pris sous leur aile. Et ils nous ont dit bon, venez avec nous et c'est parti quoi, ça part de là quoi. Ok. Voilà. Une vraie histoire de copains. Une vraie histoire de copains. Un groupe soudé. Dès qu'on faisait la brinque, c'était à 30. Ouais. Et pas de clan. On avait un peu les étrangers, mais bon, comme partout. Mais oui. Même les étrangers, je me souviens, on avait beaucoup de Sudaf. Les Sudaf venaient tout le temps avec nous. Okay. Donc c'est vraiment ce qui a fait notre force. Et ce groupe était très très soudé. Okay. Voilà. Et pour moi, c'était une superbe aventure d'homme, mais surtout de copain. C'est ça qui m'a marqué. Et j'en garde un super souvenir, mais ça serait gravé à vie, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Et est-ce que tu as des souvenirs particuliers ou précis de la construction du groupe dont tu parles de Quesada, ou en tout cas de sa volonté de Quesada, je pense que un groupe se soude à l'intersaison. Oui, pour lui. Si tu veux, l'intersaison c'est très dur, on fait beaucoup de physique. Et lui, si tu veux, on partait tout le temps en stage à l'étranger, on partait en Espagne, on partait un peu à droite à gauche. Ouais. Il voulait qu'on parte de Paris. Et si tu veux, il aimait s'appuyer sur des mots qu'on choisissait, qu'il affichait dans le vestiaire. Okay. Et ça, c'était les mots qu'on utilisait toute la saison. Donc il y avait beaucoup de. Lui, il se basait tout sur la vie de groupe. Il fallait qu'on ait des objectifs sportifs, mais surtout qu'on ait aussi des mots forts pour qu'on sache où on va. Okay. Et si tu veux, il s'appuie ça toute la saison. Tous ses discours étaient basés sur ces 5 mots et ces objectifs de saison qu'on avait mis en place en début de saison. Et ça a tout commencé l'été en stage avec Gonzalo Quesada. Oui. Voilà. Ok. Et donc chaque année, il rajoutait une petite couche Non, parce que chaque année après, c'était assez répétitif. D'accord. C'était la même chose. Ah. Voilà. Ok. C'était pas trop évolutif, mais je pense que… Malgré tout, ça participait à la construction. Ouais, exactement, ça partait à la construction. Et surtout, il y avait beaucoup d'échanges et tout le monde pouvait participer. Et ce qui était bien, c'est qu'après, il était pour instaurer des leaders. Oui. Et ce qui était bien chez les leaders, et c'est là où il était très fort sur ça, Gonzalo, c'est qu'il voulait qu'il y ait un ancien du club, un jeune issu de la formation, de Paris, un jeune centre de formation. Ok. Et deux mecs étaient choisis par les joueurs. Okay. Donc si tu veux, il y avait un groupe de 5-6 joueurs, mais si tu veux, il n'y avait pas que des anciens qui étaient là. Sûr. Il y avait aussi des jeunes du centre de formation, des jeunes qui jouaient aussi en première, tout ça. Et c'est vraiment ce qui faisait la force de ce groupe. Quoi. Oui, du coup, ce petit groupe représentait tout le monde. Voilà. Mais tu avais des jeunes, des anciens, tu avais de tout ce groupe. Oui, c'est vraiment ce qui a fait notre force. Ok. Ok, ok, super intéressant. Ouais. Bon, après, vous étiez quand même sacrément bon en rugby aussi. Oui, rugby, c'est après rugby. Sinon, Gonzalo est très, très compétent, beaucoup basé sur le jeu, beaucoup basé sur une sortie de camp très propre. Ouais. Il voulait pas qu'on prenne de points dès qu'on validait nous des points. Oui. Donc voilà, et si tu veux, c'est vraiment ce qui a fait notre force. Quoi. Ok, ok. Donc, une bonne structure rugbystique, mais avec un socle humain très fort. Ouais, et je pense que. Pour moi, je pense que. Le plus important, c'est vraiment la vie de groupe. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on passe quand même plus de temps avec les mecs avec qui on joue que nos femmes. Mais on ne se rend pas compte, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est hein. vrai. Donc si tu n'as pas de vie de groupe et que tu n'as pas envie de rester avec le groupe, tu n'as pas envie de t'intéresser à ce que fait le mec dans la vie, s'il est accompagné, est-ce qu'il a des enfants, si tu ne t'intéresses pas un peu, tu ne creuses pas un peu chez les mecs. Aussi, moi j'aime ça, mais si tu n'as pas cherché un peu dans la vie de groupe et que tu ne t'intéresses pas au mec, la vie de groupe ne se construit pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de construction. Et ça, c'est une évidence. Donc je pense qu'avant de penser au côté rugby, avant de jouer au rugby, avant d'être bon rugby, avant d'être beau, de passer à la télé, je pense qu'il faut s'intéresser un peu humainement au mec. Et c'est ça le plus important. Okay. Alors ça reste quand même un sport collectif. Oui. Et tu joues pas tout seul sur le terrain. Donc, surtout au rugby, Donc voilà, donc s'intéresser un peu au mec, c'est ce qui est important et c'est ce qui a fait aussi notre force française. Ok. Et donc toi, tu arrives à Paris à quel âge de Toulon? 21. Ok. L'acclimatation a été simple à la vie parisienne? Ben, super simple. Ouais. Ouais, ben, bien reçu. Ben, super simple dans le sens où, si tu veux, je me suis retrouvé à faire le déménagement de Burban que je ne connaissais depuis 2 heures. Voilà, je le croise dans la rue, on était voisins, mais je ne savais pas. Il me croise dans la rue, il me dit, écoute, tu peux me donner un coup de main pour le déménagement? Ben ouais, pourquoi pas. Et puis voilà, et puis le soir, je me retrouve à manger avec Pierre Abadan, Julien Dupuis et lui et Djibril Camara. Tu voilà, vois, les historiques, quoi, voilà, les cadres et tout. Ouais. Ça faisait un jour que j'étais à Paris. Ouais. Et si tu veux, ce qui m'a choqué dans ce. Ce qui m'a interpellé dans ce repas qu'on fait, c'est Julien Dupuis, Pierre Abadan, qui s'intéresse à ma vie. Mmh. T'as une femme, t'as des enfants, tu viens d'où? Parce que bon, à la base, j'ai rêvé toujours, mais personne ne me connaissait. Hein. Oui. Ah oui, d'accord, ils sont intéressés à moi, d'accord, mais tu vas jouer à Paris, puis c'est top et tout. T'as pas d'enfants, là, là, tu vois, les mecs, ils s'intéressent vraiment à toi. Je me suis dit, putain, mais je viens d'arriver, les mecs, ils me connaissent pas, mais ils s'intéressent à moi. Mmh. Et c'est ça qui m'a marqué. Ouais, à 20 ans, à 21 ans, quoi. Voilà. Ouais. Et ça a été, je me suis dit, bon, là, je sais où je vais, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fort à créer, quoi. Ok. Et voilà, ça s'est fait, ça s'est validé. Oui. J'ai envie de te dire aussi. Mais voilà, c'était ce côté vraiment humain, fort, qui a été énorme. Okay. Après, je déménage. J'ai mis à côté chez Chantal Burman et là c'est Pascal Papé qui me dit, bah, écoute, j'ai mis dans une résidence, des apparts qui se libèrent, est-ce que tu veux venir? Ouais. C'est des petits trucs, c'est des petits détails. Et du coup, je me suis retrouvé à être voisin de Pascal Papé. Ok. Alors, plein de petits trucs qui ont fait que je me suis retrouvé là. Ok. Voilà. Ouais, très bien. Et très vite à l'aise. Ouais, très vite. Élément. Très vite, tu sais où tu vas. Mm. Tu sais où tu vas. Et la vie parisienne, c'est bonheur alors? Ah, top. Ouais. Quand t'as pas d'enfant. Ouais. T'as une femme, bon, ou pas. Non, mais effectivement, le problème de Paris, c'est que tous les soirs tu peux être dehors, tous les soirs tu peux faire la brinque, tous les soirs. T'as tout à Paris, t'as tout. Et si tu veux, ce qui était bien, c'est que voilà, aujourd'hui, personne ne nous connaissait. Oui. Donc tous les soirs on pouvait sortir, c'est pas comme en province où voilà, les gens vivent que pour le rugby. Ici, à Paris, il y a le handball, la première division, le foot, tout ça. Et si tu veux, voilà, ce qui faisait un peu le charme de Paris. Okay. Tu sortais, personne ne te connaissait. Et tout était possible. Et tout était possible. Ouais. Ouais, c'est une super ville. Ok. Et pour quelle raison tu pars de Toulon à Paris là, à 21 ans? Ben, je pars parce que voilà, il y a Bernard Laporte qui arrive. Bah, moi, attends, avant ça, moi j'aimerais bien remettre les choses dans le contexte. Là, donc toi, tu avais fait France U20 2 années de suite. Ouais. En tout cas, pour nous de la génération, tu étais un super ailier qui allait percer à Toulon, quoi. Ouais. Voilà. Donc là, tu... Donc là, je joue un petit peu en première à Toulon, où je me retrouve avec Philippe Saint-André, qui est manager. Où j'ai la chance aussi de jouer une finale de challenge européen à 19 ans au Vélodrome. Oui, avec la Nikli. Cardiff. Cardiff. Ouais. Contre Cardiff. Peut-être on aura joué. Hein. Ouais, j'ai eu la chance aussi de jouer avec de sacrés joueurs comme Tana Omaga à ce moment-là aussi. Et si tu veux, Philippe Saint-André me faisait confiance, mais Philippe Saint-André s'est retrouvé à prendre la sélection. Oui. Donc il est parti en équipe de France, c'est Bernard Laporte qui l'a remplacé. Et si tu veux, avec Bernard, voilà, j'ai 20 ans, pas de confiance, entraîneur qui crie, pas l'habitude. Si tu veux, je suis passé d'un entraîneur où il voyait que par moi et jour au lendemain, bah, voilà, ça se passait pas de la même façon. Mais bon, à 20 ans, tu réagis pas de la même façon quand on a 28, quoi. C'est vrai. Mais aujourd'hui, donc avec Bernard, ça se passe pas très bien, mais aujourd'hui, je pense que j'ai besoin d'un management comme Bernard, un management strict. Mais à 21 ans, je ne l'ai pas compris. Oui. Et malheureusement, ben, je me suis enfoncé, j'ai pas réussi à rebondir. Dès qu'il crie, ben, la peur, tu trembles. Oui. D'ailleurs, tu perds la confiance, quoi. Et voilà, donc je me suis retrouvé malheureusement, ben, à quitter Toulon et à me retrouver en prêt au Stade Français. Ok. D'entrée, un an en prêt. Donc là, c'était ta volonté ou celle du club? Celle du club. Ok. Donc, après, moi, il fallait aussi que je parte, que j'ai du temps de jeu, vu que je jouais plus du tout. Et donc voilà. Mais après. Pour rebondir encore à tout ça, c'est que grâce à Bernard, parce que Bernard a entraîné à l'époque le Stade Français, il avait encore des contacts, et c'est lui qui m'a placé au Stade Français. D'accord. Donc même si Bernard à la sortie ne me faisait pas jouer, c'est lui qui grâce le potentiel, à lui. Voilà, c'est pour ça qu'il te prête peut-être. Voilà, qui me prête, mais c'est grâce à lui que je me retrouve à jouer au Stade Français. Oui. Et donc voilà, et donc si tu veux, même aujourd'hui, je le remercie, quoi. Ouais, ouais, parce que attends, c'était en 2008, 2009, cette histoire. Quand t'avais 21 ans, pardon, 2011. 2012, ouais, 2011-2012. Ouais, voilà. Ouais, c'était quand même très très rare les prêts dans le rugby. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ah ouais. Mais tu sais très bien que tu reviens pas en plus. Dans un grand club comme Toulon derrière. Ouais. En plus, Toulon qui a enchaîné les titres. Oui, c'est vrai. Donc derrière, tu pouvais pas revenir à Toulon. Mmh. Mais si tu veux, voilà, j'ai eu la chance après de percer un petit peu au Stade Français et de me retrouver à re-signer un contrat au Stade Français. D'accord, voilà. D'accord. Donc, mais grâce à Bernard, je me suis retrouvé dans cette situation aussi. D'accord. Même si c'était compliqué à Toulon avec Bernard, Bernard a réussi à me faire rebondir ailleurs. Oui, oui, d'accord. Très bien. Et du coup, tu dirais que ce qui t'a manqué pour percer là-bas, c'est de la confiance peut-être ? De la confiance, mais si tu veux, quand t'as 21 ans, t'es là, t'es un peu soupçon de tout. Ouais. Tu comprends pas pourquoi tu joues pas. Ouais. C'est ça le problème. T'es le meilleur. Et ouais, t'es le meilleur, mais en plus, tu crois que t'es le meilleur, mais t'es pas le meilleur du tout. Mmh. Et voilà, et je pense qu'il fallait que je prenne du recul, surtout. Ce qui a été important pour moi est le déclic. Je pense qu'il fallait aussi que je coupe un peu le cordon avec la maison. Oui. Je suis originaire de Nice. Tous les week-ends, je jouais à la maison, mes parents venaient. Et, voilà. Et puis à la sortie, le fait d'être parti loin, ça m'a fait le plus grand bien. D'accord. Et je pense que je peux clairement dire qu'à Paris, je suis devenu un homme. Oui. J'étais encore un adolescent à Toulon. Et quand je suis parti à Paris, je suis vraiment devenu un homme. Okay. Et c'est ce qui a fait un peu ce tremplin pour moi et qui m'a fait rebondir à Paris. Ok. Voilà. Ah, c'est très intéressant. Et écoute, moi, je pense avoir fait... le tour un peu de ce dont je voulais parler avec toi, hein, franchement. On peut revenir là, cette saison que tu as dit avec ta franchise légendaire. Putain, ça me casse les couilles de jouer 10, c'est pas fait pour moi, ouais, je vais dans la merde l'équipe. Ouais, en fait, si tu veux, on se retrouve à jouer contre Pau. Oui. Où on fait un bon match, on se retrouve à faire match nul dans les dernières minutes. À ce moment-là, j'étais encore en 10. Ouais. Et je mets coup de pied dans le ballon, sauf que je dévisse. Oui. Et clairement, on reprend 3 points derrière, on perd le match sur ça, quoi. D'accord. Si tu veux, en interview. Sous le coup de la déception. Sous le coup de la déception, voilà, je dis clairement que quand je tape dans le ballon, je mets mon équipe dans la merde. Voilà. Et si tu veux, les propos ont été un peu amplifiés par la presse, oui. Tout ça, et ça a pris un peu d'ampleur, un peu abusé, quoi. Parce qu'à la sortie, j'ai pas dit quelque chose de très grave. Et si tu veux, ils se sont appuyés sur ça pour pouvoir un peu enfoncer le coup sur moi en 10, c'est sur le club de La Rochelle. Oui, comme souvent. Bref, et donc du coup, je me retrouve pour la petite anecdote, je me retrouve un lundi matin en réunion, en salle de réunion, puis Patrice Collazo me chope. Puis là, pas content de mon interview du week-end, parce que malheureusement, ça avait été repris dans tout, sur Twitter, sur Facebook et tout. Puis là, il me dit, écoute, Saint-Zel, c'est bien beau, hein, mais tu te trappes la tête. Tu strappes le coude et moi par contre je vais strapper la bouche. Et donc si tu veux je me suis retrouvé à ne plus aller en interview, ne plus faire de conférence de presse, c'était terminé quoi. Et là il m'a dit voilà c'est la première et dernière fois, c'est pour compter des conneries, ça c'est stop. Okay. Et donc voilà, donc si tu veux, voilà. Et voilà. Même si c'est comme je disais tout à l'heure, ce poste de 10 me plaisait énormément. Oui. Mais effectivement après quand tu manques d'expérience, donc tu prends pas la bonne profondeur pour mettre le bon jeu au pied. En fait c'est plus ça que je voulais dire. Oui. Que j'arrivais pas encore à bien juger quand il fallait taper, quand il fallait jouer à la main. Okay. Voilà. Et si tu veux, alors, je l'ai formulé à la fin du match d'une façon pas top. Oui. Avec mes mots. Oui. Et donc du coup c'est pas passé. Voilà. Ok. Mais là, par exemple, tes coéquipiers, ils vivaient ça comment, tu joues 10? Ah eux, ils aimaient ça, parce que voilà, après, je défendais, je n'y mets pas trop mal. Mmh. Mais bon, après, de la gagner un titre, fallait pas abuser, quoi. Oui. Mais oui, ils aimaient ça. Mais après, sur une saison, faire quelques matchs, il n'y a pas de souci. Oui. Mais c'est quand les matchs importants à l'arrivée, voilà, on a joué un quart de finale de H-Cup, j'ai joué 10, on n'a pas gagné, quoi. Oui, mais donc, pour autant automatique. Mais c'est sûr, mais voilà, faut quand même pas se leurrer qu'en se disant que avec 15 à 10, on fera rien, quoi. Et du coup, c'est qui le meilleur 10 que tu as joué cette année, là? Un gonce qui t'a vraiment posé des soucis sur son animation offensive, ou peut-être pas ça, ou un gonce sur duquel tu t'es inspiré? Je regarde un peu Carter Horace, mais le problème de Carter c'est que bon à la fin il était un peu sur les rotules, sans être méchant, je vais pas dénigrer le joueur, c'est quand même un très grand joueur, mais bon il jouait très profond. Oui. Et si tu veux, je me basais un peu sur cette profondeur qu'il prenait pour pouvoir faire jouer les autres. Mmh. Parce que si tu veux faire jouer les autres, il faut que tu aies un minimum de profondeur pour pouvoir faire les passes pour tes copains. Oui. Si toi t'es à plat et que tu fais les passes, c'est pas possible. Oui. Donc du coup j'essaie un peu de regarder un peu comment il se plaçait pour pouvoir toucher les copains avant de penser à moi. Okay. Et si tu veux, je me suis un peu basé sur ça. Mais un joueur qui m'a marqué en 10 contre qui j'ai joué, il n'y en a pas trop. D'accord. Dans l'animation. Oui, parce que j'ai pas joué les grands Guito, j'ai pas joué les grands Wilco en face, mais non, il n'y a pas trop de. Après, tous les jours je m'entraînais quand même avec Brooke James. Oui. James, c'est quand même quelque chose à l'animation. Ça, on pourra pas se. Ouais, mais en plus, maintenant, on a quand même plus ou moins tous les mêmes systèmes de jeu. Ouais, exactement. Plus ou moins tous les mêmes. Tout voilà. 14 équipes top 14 jouent à peu près similairement. Faut pas se mentir. Hein. Oui. Après, il y a des joueurs un peu plus costauds que d'autres qui font la différence. Ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure, les joueurs un peu fracassants, tout ça, mais c'est. À tous les postes, c'est comme ça, quoi. Ouais. Et puis, il y a des alternatives un peu différentes par club, mais. Ouais. Ça reste le même rugby. Où t'as les troisième espoirs extérieurs, où t'as l'honneur, c'est le même système. Où les de deux jeu. Cellules d'avant. Ouais, exactement ça. Il y a que les noms qui changent. Voilà, exactement. Okay. Et du coup, là, quand t'as fait tes deux Coupes du Monde moins de 20, c'est qui l'un des meilleurs joueurs que t'as joué là, que t'as affronté? Parce que par exemple, en 89, il n'y avait pas Zach Guilford là par exemple avec les. Ouais, mais les deux, on les a pas joués, ouais, donc je peux pas te dire. Mais. Bon, lui qui était littéralement stratosphérique à l'époque. Ouais, qui malheureusement, bah, ça va être fini, mais. Oh, il a signé à Nevers. Hein, pour ah, ouais, c'est à Nevers, exact. Ouais. J'ai vu ça. Ouais. Non, quel joueur m'a vraiment. Vraiment impressionné. Après, c'est sûr que par exemple, un mec comme tu sauvas quand tu le joues, oui, pour bondir par rapport à tout ça, c'est quand même pénible. Oui. Tu sais que tu vas passer 80 minutes compliquées. Faut quand même pas se mentir. Quand tu joues Nadolo cette année qui est arrivée, c'est pareil. Oui. Même si tu vois, cette année, tu sauvas était un peu plus attendu, il a beaucoup fait beaucoup moins d'étincelles, on va dire. Mm. Mais c'est quand même des joueurs, tu sais, où pendant 80 minutes, tu vas morfler. Quoi. Il reste colossal. Voilà, il reste colossal, comme tu dis. Mais après, il y a quand même de très bons joueurs. Je pense aussi à cette saison, Julien Dumoura qui fait une très belle saison. C'est quand même des joueurs un peu chiant à jouer, quoi. Mm. Ça va vite, tout ça, tu vois. Mais effectivement, t'as le joueur rapide, t'as le joueur costaud, tu vois, t'as un peu différents profils. Mais l'un des arrières les plus durs contre qui j'ai joué, ouais, c'était Aplone, ouais, le 15 de Grenoble. Ouais. Alors lui, attention. Quelle mobilette. Ouf. Lui, c'est un des arrières les plus durs contre qui j'ai joué. Ouais. Toujours un peu la peur. Ouais, je vois. Là, la peur, tu l'as. Ouais. Du coup, tu partais un peu extérieur pour ne pas faire prendre sous les cannes. Mais compliqué. Ouais. Compliqué à Plone. Et avant qu'on passe sur ton 15 de légende, il y avait une question, putain, je voulais te la poser durant la saison. Moi, ça m'avait fait yesh. Désolé, maman, si t'écoutes, si j'ai dit ça. Ça m'avait embêté quand il y a eu le match Stade Français La Rochelle, que tu te fasses siffler. Ben, alors. Ça m'a. Alors que toi, oui, et Geoffrey, non, ou non, par exemple. Alors, je vais te dire pourquoi, mais je vais. Alors, pour être honnête, oui. Étant sur le terrain, je m'en suis même pas rendu compte. Ah, ok. Et c'est tout le monde, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit à la fin du match, mais je m'en suis pas rendu compte. D'accord. Et bon, en fait, d'un côté, c'est cool, parce que ça aurait pu t'agacer, voilà, t'énerver. Non, je m'en suis pas rendu compte. Ok. Honnêtement. Ouais, ouais. Pas de malentendu. Et par contre, je sais pourquoi je me suis fait siffler. Ah. J'ai tenu des propos en arrivant à La Rochelle, ou en disant que de Flandre, le stade était toujours plein. Oui. C'est sûr qu'entre jouer dans un stade plein à De Flandre, devant 18 000, oui, et jouer à Jambouin dans un stade qui était souvent vide, voilà, on faut pas se mentir. J'ai fait la comparaison des deux stades et d'accord, automatiquement avec les supporters, c'est pas très bien passé. D'accord. Voilà. Alors, ça a été ça, j'ai eu des propos que j'ai tenus que je n'aurais pas dû tenir, ce qui est vrai, mais je le pensais oui, parce que ayant joué 5 ans à Paris, quand je te dis qu'on lève le bouclier à l'hôtel de ville à Paris, qu'il y a 50 personnes pour la levée du bouclier, bon, t'as compris que bon, c'est comme ça. Bon, même si c'était un lundi que les gens travaillaient, bref. Mais si tu veux, voilà, il n'y a jamais eu un stade bondé à part pour les derbies ou l'année de la fusion où on a senti vraiment où les gens étaient concernés. Mais sinon, après, durant la saison, on n'a jamais fait 13 000 maximum, on faisait. Okay, okay. Et si tu veux, voilà, j'ai tenu des propos par rapport à ça. Et parce donc, que moi, j'avais aimé notamment la réaction de Julien Dupuis, donc du coup, ton ancien coéquipier qui était passé entraîneur des trois quarts du Stade Français. Il avait mis un petit truc sur Twitter pour montrer son agacement, son énervement et son incompréhension. Ouais. Non mais d'accord, mais je savais pas pourquoi. En fait, moi je me suis dit pourquoi il siffle que Jérémy et pas Geoffrey. Ouais. Je me suis dit ils font les types à le siffler parce qu'ils jouaient là avant, mais pourquoi ils font pas l'autre. Non, non, c'était d'accord, c'était pour ça. Mais donc sur le coup t'as même pas fait gaffe. Non, pas du tout. Et après match, il y a 15 personnes qui viennent me voir et me disent ça. Mais si tu veux, j'ai pas. Ok. Ça m'a pas choqué que ça, quoi. D'accord, d'accord. Voilà. Mais toi, t'as fait le lien du coup avec tes propos de début de saison. Oui, oui, clairement. Okay. Je savais que c'était ça. Ok, voilà. D'accord. Ok. Voilà. Bon, bah, merci, Jay. On passe sur ta petite team. Ouais, allez, je te la fais. Ah, tu l'as en tête? Ah, bien sûr, je l'ai en tête. Allez. Allez. Alors, je t'avais demandé. Avec les copains. 15 de légende, ta dream team constituée de joueurs avec qui tu as joué. Allez, je te l'ai dit. Alors, en pied gauche, Xavier Tchouki. Oui. Quand même. T'as joué où avec lui? Alors, avec Xavier, j'ai joué avec en jeune, parce que on n'a pas trop parlé, mais bon, j'ai quand même eu la chance de jouer avec une belle bande de copains en cadet à Toulon, parce qu'on n'a pas fait le lien, parce qu'on a parlé que de Nice. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être arrivé en cadet à deuxième année à Toulon. Oui. Et on a gagné le championnat avec une belle bande de copains, dont toi tu étais notre capitaine. Ouais. Et où je me souviens d'un discours mythique, mais ça reste entre nous ça. Mais c'est de très bons souvenirs. Ouais. Et si tu veux, Kéké joue avec nous, et ça reste mes plus belles années de rugby, celle-là. Voilà, ce titre cadet 2007, oui, qu'on a fêté il n'y a pas longtemps, les 10 ans. Les 10 ans. Et donc l'été dernier, ça fait déjà un an, ça passe. Ouais. Et si tu veux, voilà, c'est Kéké, c'est le pilier avec qui j'ai joué en jeune, que j'ai un petit peu joué à Toulon, mais voilà, c'est vraiment. Je voulais souligner aussi cette génération 90 où on était tous ensemble en cadet. Et on a gagné pas mal de choses ensemble. Voilà. Donc Kéké à gauche. Ok, super. Bon, alors on, ça au talon. Pas trop. Ouais, au talon j'ai hésité. Oui, je comprends. J'ai hésité. Voilà. Il y a quand même trois joueurs qui m'ont marqué quand même. Oui. Donc j'avais le choix entre Rémi Bonfils avec qui j'ai joué, toi et Mickaël Valdi. Oui. Donc voilà, mes trois copains quoi. Ouais. Mais je vais rester sur le penchant Fabien Doré pour son discours qui m'a choqué, voilà, qui m'a transcendé, qui m'a fait monter au plafond. Ouais, mais attends, voilà, tu peux pas me mettre en 2, j'ai envie des crêpes à l'époque. Ah, mais ça c'est pas grave, ça, c'est pour le... T'aurais pu me mettre en 7, jouer 7 à l'époque. Ouais, voilà, mais au talon, non, au talon. Ouais, au talon. D'accord, big lol. Donc, okay. j'ai quand même une belle première ligne. Et du coup, à droite, j'ai mis Rabat Slimani. Oui, normal. Rabat Slimani, parce que voilà, c'est l'un des meilleurs piliers français avec qui j'ai joué. Un super mec. Oui. Voilà. Okay. En seconde ligne, j'ai mis Pascal Papé, voilà, pour avoir pris un peu sous son aile à cette époque-là. Oui. Parce que voilà, c'était le moment aussi un peu difficile à Paris qu'il était là. Après, j'ai mis Paul Gabriel, le second ligne. Un jeune issu de la formation parisienne et un super mec. Un super mec. Voilà. Paul Gabriel, qui est maintenant devenu international. C'est vrai. Comme quoi, voilà. Alors ma troisième ligne, j'ai hésité en 8 aussi avec Georges Smith et Sergio Parissier. Ah bah ouais, ça va. Ouais, j'ai mis quand même Sergio. Sergio, voilà, parce que dans les années aussi, je suis arrivé quand j'étais jeune, il était là pour nous prendre sous son aile. Ouais. Avec Julien Dupuis. Et le troisième ligne, j'ai mis Pierre Abadan. Oui. Un troisième ligne légendaire. Et le troisième ligne, j'ai mis Jerry Collins. Bon, malheureusement, il n'est plus parmi nous, mais j'ai eu la chance de le côtoyer, de rejouer un petit peu avec lui. Donc j'ai mis Jerry Collins en troisième ligne. Ok. Voilà. Oh, c'est une belle, un beau pack. Ouais, donc la charnière, j'ai mis Julien Dupuis. Ouais. Bon, un ami avec qui j'ai joué. Et on dit Bob Wilkinson. Ouais. J'ai pas trop de. Bon, ça va, hein, t'as une belle équipe. Hein, ouais, regarde. Bah c'est des mecs avec qui j'ai joué. J'ai eu la chance de jouer. Oui, oui. Voilà, on faut clairement le dire. Puis ça va continuer au centre parce qu'au centre, j'ai mis Sonny B. Williams, c'est un Omega. Où il y a eu d'ailleurs une ligne où j'ai eu la chance contre Brive quand j'avais 19 ans, où j'ai joué avec Mignoni, Wilkinson, Sonny Bill, Umaga et moi sur une aile, le pauvre Saint-Zel sur une aile. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait là. Donc magnifique. Ouais, donc voilà. Et donc aux ailes. Aux ailes, j'ai mis Julien Yass. Oui. Un super mec. Et à l'autre aile, est-ce que tu m'autorises un joker? Bah ouais, bien sûr. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai joué. D'accord. Mais c'est un joueur qui m'a toujours marqué, c'est Aurélien Rougerie. Oui. Voilà, Aurélien Rougerie, bon, ça reste quand même. Ah, c'est intéressant. Dans la longévité. Longévité, il était vraiment au top de sa forme, j'ai envie de te dire, même encore aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Franchement, quel âge il a? Il est 80? 80? Ah, je sais pas. 79 même, je pense. Bon, bref. Il a presque avoir 40 ans. Et il va être content. Ouais. Il est toujours au niveau, quoi. Donc voilà. Et à l'arrière, j'ai mis Djibril Camara parce que voilà, Djibril Camara, un drôle de spécimen. Oui. Je vais arrêter sur ça. les intéressés se reconnaîtront. Voilà, exactement. Et en entraîneur, tu mets qui? Et un entraîneur. Alors, tu fais un staff ou tu mets qu'un entraîneur? Et un entraîneur, je mets. Ah, je mets. Bortolaï. Je mets Gigi Bortolaï. Voilà. Donc, c'était notre entraîneur en cadet. Voilà, notre belle génération cadet. Tu étais toi, Fabien, en Rachel? Et non, j'y étais pas. Et d'ailleurs, on est rebondi là-dessus. C'était ma dernière question que j'ai pensée pendant que tu me racontais tous tes titres. Donc, tu as été champion de France cadet 2007. Ouais. Rachel 2010. Ouais. Ouais, parce que moi, je suis Rachel 2011 avec Montpellier. Donc, Rachel 2010. France 2014. Ouais. Et petite Coupe d'Europe 2015. C'est ça. Non, 2015, champion de France. Okay. Paris. Et 2016, Champions Cup. Champions Cup. La petite, Challenge. Ah, c'est Challenge. Ah, c'est la Challenge. Challenge Cup. Challenge Cup. Donc, allez, t'en choisis un parmi les quatre. Allez, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Allez, En fait, c'est pas dur. En pro, en tant que pro. Oui. Parce que quand t'es jeune, tu penses pas de la même façon. Oui. En tant que pro, 2015, quand t'es champion de France, c'est la folie. Mais quand même, mon plus beau souvenir, ça reste 2007 parce que c'est le premier. Quand on est cadet, on est jeune. Toucher un bout de bois, c'est quand même. C'est marquant. Oui. C'est marquant. Et puis 2007, si tu veux, c'était pas tant le rugby, c'était vraiment. on était une belle bande de copains, je me souviens. On sortait, on allait faire le petit rue, je l'ai en face de moi, on était les 18 mecs ensemble, ouais. On allait border, on était 18, on était tout le temps ensemble, tu vois. Et c'est vraiment ce titre qui m'a marqué parce qu'on était, soudés, parce qu'en plus j'ai encore en mémoire, parce que j'ai envie de revenir sur ça, oui. Si tu me le permets. Oh, bien sûr. Où j'ai le souvenir où on est en phase finale, on joue Argelès en premier tour. Ah ouais. Bravo. On joue Narbonne derrière et Narbonne, ouais. Je suis catastrophique, je suis à deux doigts de faire perdre l'équipe. Je m'en souviendrai tout le temps, en quart. On joue contre Benoît Sicard qui actuellement est à Albi. Ouais. Je me souviens, il y était. Et je suis, mais si on perd, c'est ma faute. Ah, on me rappelle pas, moi. Ah ouais. Et coup d'envoi, Florent Garino qui traverse le terrain et c'est Thomas Girard qui marque sur un coup d'envoi et on gagne 18-15 ce match. Ouais. 18-15, on gagne. Et si tu veux. Attends, ça c'était l'huitième. L'huitième. Argelès, 16e. 16e, 8e. Narbonne, Carchambéry. Carchambéry, pardon. Ouais. Et Toulouse. Et voilà, Toulouse et Perpignan. Toulouse et Perpignan, c'est ça. Et si tu veux, quand la saison après, les phases finales ont continué, donc on est passé. Donc là, je me souviens, je sais plus que c'est qui nous le dit, quelqu'un, j'ai plus le nom, il nous dit, les gars, si on veut aller jusqu'au bout, on n'aura qu'un coup de bol. Le coup de bol, on l'a cramé ce week-end, c'était contre Narbonne. Oui, c'était Gigi. Mais par contre, on n'en aura pas un deuxième. Mais ça, c'est vrai, parce que pour l'avoir vécu, avoir eu la chance d'après de gagner, t'en as qu'un coup de bol. Ok. Tu peux pas, si tu veux arriver au bout, tu auras le droit qu'à une faute. Ouais, je vois. Et tu passeras au large parce que tu auras un peu de chance. Bref. Qu'une fois du cul, quoi. Et si tu veux, je me suis retrouvé contre Narbonne à être pas bon. Et après, si tu veux, je me sentais plus légitime pour cette équipe. Je me suis dit, l'entraîneur me remet. Mais c'est moi le plus mauvais. D'accord. Et j'y suis après, j'étais. Là, j'ai un moment de doute parce que j'étais pas bien. Je me suis dit, putain, les mecs sont tous au niveau. Et moi, d'ailleurs, c'était moi le plus mauvais. Le plus mauvais. Je me suis dit, putain, mais il va falloir que je me ressaisisse. Et donc, pour revenir à tout ça, c'est que derrière, Chambéry, bon, alors on met 30 points, ils n'ont pas existé ce jour-là, je me souviens. Toulouse à Palavas-les-Flots. Exactement. Où ils battent Bordeaux le tour d'avant, je me souviens, Toulouse, et qui font un espèce de banc un peu solide, mais tout le temps de nous rattraper parce qu'on les avait fracassés. Et j'ai la chance de marquer en finale cet essai de folie sur, si je me souviens bien, un Fabien Doran 3ème ligne qui retient Arnaud Diès. Non, c'était Tanguy Molcar. Tanguy Molcar, ouais. Tu le retiens, Orméa qui part et qui m'ouvre la brèche, ouais. On va marquer un essai de 80 mètres à Carpentras, c'était où, à Carpentras À Cavaillon on avait joué. Ouais. Et si tu veux, quand je belle marque finale en terrain neutre, voilà, quand je marque en finale, je me dis voilà, bon là, c'est, bon, c'est un peu le travail que tout le monde a réussi, que j'étais sauvé par les mecs, et j'arrive à marquer en finale, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu veux, en passant ce 8ème contre Narbonne, je me suis dit plus légitime, je me suis dit putain, il va falloir que je me ressaisisse parce que les mecs ils vont plus avoir confiance en moi, ils vont se dire putain, Cazel, dès qu'il joue, il fait des bourdes. Ah ouais. Et j'avais ce souvenir là, voilà, et ça m'avait marqué. Et c'est pour moi, voilà, donc pour revenir à les titres les plus beaux, voilà, il y a eu 2015 et 2007 pour moi en jeune. Restaurant aggravé à Javet dans nos mémoires. Eh ben écoute, voilà. On m'a mis le big smile tout au long de l'interview là. Eh ouais. Que de beaux souvenirs. Que de beaux souvenirs, ouais. Putain, c'est beau, hein. Franchement, ouais. On a de la chance. On a de la chance, hein. Ah ouais. Ça passe pas. Mais malheureusement, c'est que ce titre qui passe très vite. Hein. Bah ouais, ça fait déjà 11 ans. On s'en rend pas compte, hein. Ça fait déjà 11 ans. On prend de l'âge. Ouais, j'espère ouais. qu'on le refaitera dans 20 ans. Ah ouais, oui, j'espère voilà. aussi. Bon, merci beaucoup, Jérémy. Bah Fabien, c'est merci à toi. Ah merci, c'était trop gentil. Trop bien.